force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous prions un Dieu qui s'appelle El Shaddai. C'est ce Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je veux parler à une femme qui attend des enfants. Ça fait plus de 5 ans que tu es mariée. Cette année, le miracle sera possible. Saisis maintenant l'enfant que Dieu te donne et tu témoigneras et tu vas voir un bébé. Un bébé qui sera une démonstration de la puissance, de la fidélité de Dieu. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous dans ce passage. Voici la première vérité. Nous pouvons bénéficier des grâces divines sans lui être agréable. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu a fait telle chose. » Mais toutes ces grâces-là devraient nous motiver à rester fidèles à Dieu, à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Mais regardez ici ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. L'apôtre Paul cite les grâces dont Israël a bénéficié dans le désert. La première grâce, c'est quoi? Il dit, ils ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Nous connaissons comment Dieu a conduit Israël lorsqu'il sortit d'Égypte. Dieu l'a conduit par la nuée, la colonne de nuée, la journée, elle s'est transformée en colonne de feu. Donc, c'est une grâce. Dieu a conduit son peuple. Et puis, ils ont tous passé au travers de la mer Rouge. Nous savons ce que Dieu a fait. Lorsque Pharaon voulait poursuivre Israël, il a été englouti avec son armée dans la mer Rouge. C'est une grâce. Il dit encore au verset 2, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc il explicite, il dit le fait d'être conduit par la nuée et de passer à travers la mer Rouge, c'était comme un baptême, une grâce divine. Il cite encore l'aliment spirituel, c'est-à-dire la manne. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et ce breuvage, c'était Christ. Donc c'était l'image de Christ. Mais au verset 5, il dit, malgré toutes ces grâces, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ça, c'est dommage. Je veux parler à un jeune. Tu es fils de pasteur, tu es fille de pasteur. On t'a éduqué dans la voie du Seigneur. Mais d'où vient qu'aujourd'hui tu t'es égaré? Tu fais la honte de tes parents. On te retrouve dans des maquis, on te retrouve avec les drogués, on te retrouve avec les débauchés. Non, malgré tout ce que tu as reçu, tu n'es pas agréable à Dieu. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. On a prié pour toi, on a jeûné. Les hommes de Dieu ont prié pour que tu aies un poste. Tu as fait plus de 5 ans sans travailler. Maintenant, tu es embauché dans un bon poste. Tu es véhiculé. Tu commences à aller en mission en Europe, aux États-Unis. Ce sont des grâces de Dieu. Mais ces grâces devraient te pousser à t'attacher à Dieu. Et non à vivre dans le péché. Vous voyez, on dit la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Au lieu d'être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait, mais plusieurs n'étaient pas agréables à Dieu. Plusieurs ont vécu dans le péché. Deuxième vérité, ne vivons pas dans le péché de peur que la colère de Dieu ne s'abatte sur nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui s'amusent dans le péché. Je veux parler à quelqu'un, mon ami, tu vis dans le péché, tu t'es dit prophète, mais tu es en train de commettre toutes sortes de péchés dans ton église. Tu sors avec les filles de ton église, ce n'est pas sérieux. Si tu ne te répands pas, Dieu va te dénoncer et ça va éclater au grand jour. Dieu punit également le péché. Nous voyons ici ce qui s'est passé avec Israël. L'apôtre Paul énumère environ 3 types de péchés qu'Israël a commis dans le désert. Mais ces péchés ont entraîné des conséquences. Premier péché, c'est l'idolâtrie. Israël s'est détourné du vrai Dieu. Ils ont commencé à adorer d'autres divinités. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Comment un chrétien peut entrer dans les mouvements mystiques? Comment un chrétien peut entrer dans des lieux où on fait des prières avec des bougies, avec de l'encens? Non! Comment un chrétien peut avoir des canaries? Comment un chrétien peut-il participer aux fêtes des générations? Comment un chrétien peut-il faire des invocations, aller invoquer la sirène des eaux pour avoir la puissance, pour avoir l'onction? Ça, ce sont des pratiques idolâtres. C'est ce que Dieu a détesté et il a puni Israël. Deuxième péché, c'est l'impudicité. Vous voyez, il est dit ici au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Pourquoi on mentionne les nombres de ceux qui sont tombés dans l'impudicité? C'est pour dire que ce péché entraîne beaucoup d'enfants de Dieu, même aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans l'impudicité. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, beaucoup de prophètes, prophétesses vivent dans l'impudicité. C'est pourquoi nous devons avoir des garde-fous. Je vais donner un conseil à un jeune pasteur. Écoute-moi bien. Il n'est pas conseillé d'être dans des heures tardives avec des filles spirituelles. Il n'est pas conseillé d'être toujours dans ta voiture avec des filles spirituelles. Tu fais quoi? Il est toujours conseillé d'être avec ton épouse, d'associer ton épouse dans le ministère que tu fais. Beaucoup de gens, ils laissent leurs épouses loin et ils s'entourent des filles spirituelles comme protocole pour les accompagner. Et ça, c'est déjà un défaut. Tu es en train toi-même de t'exposer à ces péchés de l'impudicité. Ne te laisse pas séduire par ceux qui donnent de grosses enveloppes. Dis, mon papa, j'ai une dîme pour toi. Oui, je vais venir. Il faut que tu viennes prier pour moi. Il faut que tu viennes prier dans ma chambre. Il faut avoir le discernement. Tu ne dois pas aller prier dans la chambre de quelqu'un d'une fidèle parce qu'il t'a donné une grosse dîme. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que les gens font qui nous font tomber lentement et sûrement dans l'impudicité. On dit 23 000 sont tombés. Et il y a le murmure. Ils ont tenté Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu dans le désert. Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures contre lui. Les murmures contre ses serviteurs. Vous voyez, il est dit ici, au verset 9 et 10, « Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Donc, vous voyez, Dieu frappe, il punit les péchés, mon ami. Dieu peut te faire des promesses d'élévation, des promesses de mariage. Mais si tu vis dans le péché, tu peux être détruit, il peut te châtier et ses promesses ne vont pas s'accomplir. Les enfants d'Israël, la plupart sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans Canaan à cause de tous ces péchés que je viens d'énumérer ici. C'est pourquoi Paul dit au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Troisième vérité, nous pouvons connaître des tentations, mais Dieu nous donne la capacité de nous en sortir et de le supporter. Vous voyez, la tentation est différente du péché. La tentation, c'est ce désir qui naît en nous, qui nous attire vers le mal. Vous voyez, tout le monde peut être tenté. Même Jésus a été tenté. Mais succomber à la tentation, c'est autre chose. Dieu peut permettre la tentation. Nous pouvons être séduits, nous pouvons être tentés. Mais Dieu nous donne la capacité de supporter. Quelqu'un ne doit pas dire, vraiment la tentation là, c'était plus fort. Je ne pouvais même pas. Écoutez ce que Paul dit. Verset 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as perdu ton emploi que tu dois retourner dans le monde. Ce n'est pas parce que, oui, ton patron t'a dit que je ne vais pas renouveler ton contrat, que tu dois continuer maintenant à vivre dans la débauche, à vivre dans l'idolâtrie, que tu dois entrer dans un mouvement mystique où les gens te disent, si tu y entres, tu seras nommé à tel poste. Non, cette tentation ou cette épreuve va passer. Dieu lui-même va te donner la capacité de supporter et Dieu prépare les moyens pour t'en sortir. Quelqu'un a dit, les grandes bénédictions sont précédées par de grandes épreuves. Que Dieu soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Ne se couvre point de honte. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur pour toutes ces réalités, pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB par WhatsApp qu'ils partagent OSB avec des amis partout dans le monde et des membres des familles. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour que tous ceux qui ont bénéficié des grâces divines soient agréables à lui. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu, ils ont été bénis par le mariage, ils ont été admis à un concours, ils ont été nommés à un poste, ils ont été guéris. Toutes ces grâces-là devraient nous amener à nous attacher à Dieu et non à nous éloigner de lui. Prions le Seigneur. Très excellent Père, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi notre âme soupire après toi. Notre âme a soif de toi, du Dieu vivant. Merci Père éternel pour ce matin. Nous avons la force, depuis que nous nous sommes couchés hier, tu as veillé sur nous et nous nous sommes réveillés ce matin avec cette force, avec cette énergie pour te louer, pour te glorifier. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux, pour toutes celles qui ont bénéficié de tes grâces, qui ont bénéficié de tes bontés, qui ont expérimenté ta main puissante dans leur vie, afin qu'ils puissent exprimer leur reconnaissance pour tous tes bienfaits, afin qu'ils puissent rester attachés à toi, qu'ils ne soient pas enflés d'orgueil et s'éloignent de toi. Nous prions au Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, afin que la crainte de l'Éternel se manifeste véritablement dans leur vie. Nous prions et nous nous élevons contre toute forme d'orgueil, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, bénis tes enfants, soutiens-les, mais par-dessus toute chose, sois toujours leur guide. Toute forme d'aveuglement, toute forme de résistance, toute forme d'orgueil, tout manque de reconnaissance est lié dans le nom de Jésus-Christ. Fais en sorte, ô Père éternel, que ta joie soit notre force, parce que nous avons mis notre confiance, notre assurance en toi, et nous avons vu tous tes bienfaits dans notre vie. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nous repentir. Si nous sommes tombés dans ce péché, prions pour que Dieu éloigne de nous la vie d'idolâtrie, la vie d'impudicité, le murmure du milieu de nous, le murmure dans l'église. Prions pour que réellement tous ces péchés qui sont énumérés ici ne soient pas nommés parmi nous et que réellement la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous, sur l'église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, ce matin. Nous sommes heureux d'être encore en vie, en pleine vie. Gloire à toi. Nous savons que notre Dieu, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que serviteur, nous avons ouvert des brèches et des péchés sont entrés dans l'église. Nous te demandons pardon. Nous avons toléré l'idolâtrie. Nous avons toléré les murmures, l'impudicité et toute forme de malhonnêteté. Aie pitié de nous. Sanctifie-nous, Seigneur. Donne-nous de renoncer à ces péchés. Car tu as un jugement et tu rends justice à ce jugement-là. Aie pitié, Seigneur. Fais-nous sortir de ce mal dans lequel nous nous sommes plongés. Nous voulons, ô Dieu, que tu enlèves ce cœur mauvais. Renouvelle en nous un cœur d'espoir, un cœur affermi. Ne rejette pas loin de nous ceux qui sont dans les fautes, dans les erreurs, dans les péchés constamment. Mais Seigneur, aide-nous en tant que serviteurs à aider tous ceux-là même qui sont tombés, qui sont dans ces erreurs, dans ces péchés, à revenir à toi, à renoncer à leurs péchés, à abandonner ce péché et à venir pour te servir sincèrement dans ta bergerie. Car tu en es capable de changer leur vie et leur destinée. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci de nous convaincre individuellement d'abandonner ce qui est méchant, ce qui est mauvais, ce qui est hypocrisie, ce que tu n'apprécies pas au milieu de tes enfants dans l'église. Fortifie-nous, sanctifie-nous, aide-nous Seigneur à marcher d'une manière digne des enfants de Dieu. D'une manière agréable, dans la sainteté, dans la consécration, pour l'avancement de ton règne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous secoure dans nos tentations. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés au niveau de l'argent, tentés au niveau des sexes, tentés par toutes sortes de propositions. Mais prions pour que Dieu nous soutienne et qu'il nous donne la capacité de nous en sortir et de supporter la tentation afin que nous ne puissions pas succomber dans le péché. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre soutien, notre abri, notre haute retraite, notre puissant guerrier, notre Goël, celui sur qui nous pouvons compter dans tous les domaines de notre vie, car avec toi, nous avons toujours la victoire. C'est pourquoi tu nous dis dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras, Seigneur. » Tu nous as fait confiance, tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as mis au large. Nous sommes tes serviteurs. Mais Seigneur, nous sommes environnés de beaucoup de tentations sur le plan du sexe, l'argent, oui, la négligence, la paresse, l'indolence. Nous n'avons pas de discipline dans notre temps. Mais Seigneur, nous ne voulons pas succomber. Nous crions vers toi, nous crions vers toi. Tu es la seule personne qui peut nous aider à avancer, nous aider à prospérer, nous aider dans la prière, nous aider dans notre Dieu, notre Père, dans ce que nous faisons. La tentation est là, elle est forte, elle veut notre Dieu, notre Père, nous amener à chuter. Nous crions Seigneur, nous voulons garder nos alliances. Nous voulons garder nos alliances par rapport à notre mariage, par rapport au ministère, par rapport à notre vie, par rapport à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton soutien. Merci parce que nous pouvons compter sur toi.